cours numéro 17. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنواصل continue nos durus fi hadhihi ar-risala al-mufida, tuhfatu al-ikhwan bima ja'a fi al-muwalati wal-mu'adati wal-bughd wa al-hujran. Cette risala mufida sur al-wala wal-bara, aimer pour Allah et détester pour Allah. La première partie de ce livre, on l'a fini ensemble, lillahi alhamd, sur le fait de détester al-kuffar, les mécréants, les ennemis d'Allah azza wa jal. Et lillahi alhamd, Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi, il a cité plusieurs versets, plusieurs hadiths, des paroles des imams de la communauté. Fa istafadna khayran kathiran wa lillahi alhamd. Thumma, la deuxième partie, et c'est ce qu'on a lu le dernier dar, c'est ce qu'on va continuer de lire ensemble aujourd'hui bi tawfiqillahi azza wa jal, c'est sur ahl al ma'asi, ceux qui font des péchés parmi les musulmans. Et au départ, rahmatullah alayhi, il a démontré un qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tahajaru, wa qawluhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la yahill muslim an yahjura akha fawq thalath. Il a démontré, rahmatullah alayhi, anna hadha sab'a ala al-itlaq, et le fait de ne pas faire le hajr à son frère plus de 3 jours, il a démontré, rahimahullah ta'ala, que hada, c'était pas ala al-itlaq. La, ahyanan, al-muslim, il peut faire le hajr à son frère muslim plus de 3 jours. Comme il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, al-hajr, à Ka'b ibn Malik wa sahibay, 50 jours. Wa hakada al-sahaba, radiyallahu anhum, hajaruhum avec le prophète, alayhi salatu wassalam. فهذا اليوم إن شاء الله on va continuer كلام أهل العلم في هذا الباب. قال رحمه الله, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري, ذهب الجمهور, الجمهور c'est la majorité, ne pas confondre avec الإجماع, l'unanimité. فالجمهور c'est la plupart des savants, إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. Al-Mubtadi', c'est la dernière partie du livre. Et on verra que ça ressemble au hukm du fasiq. Al-fasiq, ce sahibul fisq, celui qui fait des péchés. Imma des grands péchés, imma des petits péchés, bistimrar. Il est considéré comme fasiq. Ils traduisent par pervers. Wa illa fa al-fisq, c'est sahib al-ma'asi, celui qui fait des ma'asi, imma des grands péchés, imma des petits péchés, ça devient une habitude. Wa la yatoub. Hada, c'est un fasiq. المبتدئ صاحب البدعة. قال النووي رحمه الله, فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم. Et ça, c'est un كلام جميل, et ça nous montre que هذا الكلام من أهل العلم sur le hajr, hajr al-kuffar, hajr al-usa, al-fussaq, hajr أهل البدع. حقيقة ça dépend أحيانا. On ne peut pas prendre un kalam et dire fais le hajr toujours, ou un autre kalam et ne fais pas le hajr mutlaqan. En fait, ces deux extrémités qui ont fait beaucoup de dégâts fil l'umma. Ahl al-ghulu, al-tashaddud, et ahl al-tamni', al-tasahul. Les gens appellent le hajr mutlaqan, celui qui fait un péché, une bid'a, al-hajr. Bab al-nush il est ma'rouf, bab al-rifq il est ma'rouf, bab al-sabr, la patience montrée. Et كذلك باب المصالح احيانا même si c'est un mubtadi, même si quelqu'un qui fait des péchés, al maslaha fi hajrihi elle est moindre, et rubbama al mafsada li kabira, il y a un énorme mal si on fait le hajr, fa fi hadha al hal on délaisse. Et tu trouves un autre extrême, annahum ils appellent ou ils ont rejeté ni hadhihi al ibad al azima que le prophète alayhi salatu wasalam il a appliqué, al hajr. Al-Hajr c'est boycotter, ne plus parler, ne plus passer le salam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en application. Fala ifrat ou la tafrit, le juste milieu. Et pour pouvoir appliquer le juste milieu fi hadha al-bab wa fi ghayrih, dans tous les domaines, le juste milieu, il faut du ilm. Il faut du ilm et il faut revenir à ahlul ilm. Les gens, ils vont prendre un dalil sur al-Hajr, ils vont l'appliquer à tort et à travers, et avec celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. Ils vont prendre un autre hadith sur le fait de ne pas faire le hajj, comme les hadiths que Cheikh Saadi ou Cheikh Hamoud rahmatullah il a cité, لا يحل لرجل أن يهجر أخا فوق ثلاث. Il va appliquer ça même avec ربما الروافض المجرمين الزنادقة avec avec les Qubouriyin, avec les Ikhwan, avec les Tabligh, avec des égarés. Et il va te dire là, c'est nos frères, il ne faut pas le hajj. Ça montre l'importance de revenir au salaf. Et en fait, c'est une musiba azima. Et à notre époque, beaucoup de gens prétendent suivre le Coran ou le Sunnah, mais avec le hawa. Ils n'ont pas la capacité de citer les preuves du Coran et de la Sunnah. Il y a un sujet, il y a beaucoup de preuves. Tu ne vas pas prendre qu'un dalil, un verset ou un hadith pour pouvoir citer un jugement, un hukm. Ça, c'est de l'égarement. Là, on n'a qu'une seule solution pour comprendre, c'est de revenir au savant. Et vous allez voir le kalam faqat qu'il a cité de l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh, bel c'est même pas son kalam, c'est amaluhu fi sahih, dans Sahih al-Bukhari, comment il a cité les hadiths et l'ordre et avec différents titres pour ces chapitres, et tu vas comprendre c'est quoi l'ilm. Vu que les gens ou kathir min an-nas, beaucoup de gens ils ont délaissé hada, yatakhabbatun. Tu trouves hada, il appelle à hajr un qui mérite pas, tu trouves un autre qui dit là il faut pas hajr fulan alors qu'il mérite. On vit, iyadan billah, dans هذه الفوضى والفتنة. On répète كلام النووي رحمه الله فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم. نعم. Ça peut arriver, هذا. Ça peut arriver. مثلا واحد il travaille dans un endroit, il a besoin de ce travail et ربما s'il passe pas le salam à ce عاصم من المسلمين. On parle pas de haram. Le haram c'est haram. Serrer la main d'une femme, c'est haram. C'est haram. Si au travail il te force, délaisse ce travail, Allah il te donnera meilleur. Dans certaines situations, un homme, un musulman, il fait certaines choses et tu lui passes le salam alors qu'il fait certaines choses graves. Tu lui passes le salam et tu le détestes par rapport au péché qu'il fait. قال وكذا قال ابن العربي وزاد وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فكأنه قال الله رقيب عليكم. هذه فائدة جميلة. ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن إمام في السنة. Ne pas confondre avec ابن عربي النكرة. النكرة أي son اسم يبقى ألف واللام عربي. أما هذا العربي بألف واللام معرفة. Ibn Arabi al-Nakira, al-Soufi al-Ghali, même si al-Soufi, ils l'ont élevé, ils disent que c'est une référence, c'est un mujrim. C'est un mujrim, un khabith, un zindiq, qui n'était pas à la khayr du tout. C'est un mujrim. Fahad ibn al-Arabi, c'est al-Sunni. Qal wa zad wa yanwi anna salam ismun min asma'illah. Et on verra dans notre dars, bi'idnillahi azza wa jal, dans l'explication des noms d'Allah, hada al-ism, al-salam. Al-salam. Fa quand il dit al-salam alaykum, أي ينوي السلام أي الله الله عليكم أن الله رقيب عليكم أي الله سبحانه وتعالى vous voit et vous entend إلى آخر. وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. Et à notre époque, تعلمون, on vient à une époque de ضعف. Si on vient à faire le hajra à ceux qui plaisantent beaucoup et à ceux qui disent certaines paroles et à ceux qui s'assoient dans la rue. عند السلف هذا c'était من خوارم المروءة. خوارم المروءة c'est quelque chose qui fait du mal à مروءة الإنسان. ربما يستحق الهجر ربما il le boycott pour ça. Et بعضهم مثل هؤلاء qui plaisantaient beaucoup, qui s'asseyaient dans la rue, il a arrêté, ils ne rapportaient pas leur hadith. Il y en a, khawarim al-muru'ah, pour eux c'est un va'af, c'est plus une personne de confiance. Amma à notre époque là, à notre époque, annonce. Limada, il y en a, on vit à une époque de va'af. Et nous, en tant que ahl sunnah, khasatan celui qui a du ilm, il doit être une porte ouverte de bien pour les autres. Amma si on s'entraide avec Shaitan sur Ha'oula, c'est une musiba. Amma à leur époque, vous allez entendre kalam min a'immat al-salaf fi hadha al-bab. À leur époque, il y avait al-quwa. Et al-shar, il était qalil. Et al-fasiq, al-munharif, ils étaient très très peu. Enfin, Al-Hajr, il avait un énorme effet sur eux. Ils revenaient. Ah oui, ils étaient mis de côté, ils faisaient aucun mal. À notre époque, tu trouves dans une ville, heureusement, il y a un sunni ou deux. Enfin, s'ils font le Hajr, qui c'est qui va propager le tawhid? Qui c'est qui va propager le sunna? Quand on dit de ne pas faire le Hajr dans ce cas, ça ne veut pas dire de se mélanger avec Ahl al-Bida. Le Abadan. Abadan. Lakin, مثلاً, un asi min al-Usa, et il ne connaît rien de son dîn, le miskin. Et heureusement, tu l'entends dire une mauvaise chose ou faire une mauvaise chose, et le Hajr, ce n'est pas la solution. Là. Al-Bayan, ou al-Hikmah. Et ta'amma le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au début de sa da'wah, comment il faisait da'wah au kuffar, il allait dans leur asseoir, dans leur marché, il les appelait, il a arrêté, et à la fin, quand le umma est devenu qawiyya, c'était pas la même chose. Al-Abud min hikmah fi hada al-bab. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un kalam jamil fi hada, sur le hajr, et Cheikh Hamoud il l'a cité, fabi'idnillahi azza wa jal, on détaillera, hunak akthar. Fa'ala kulli hal, hada al-bab, c'est un bab muhim, c'est un bab azim al-hajr. Lakin, il faut savoir l'utiliser. Et on répète, pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut revenir au savant de la sunna. Amma hada, il fait le hajr, hada, il ne fait pas le hajr. Et rubama l'insan, il se fait du mal, il fait du mal aux autres, ce n'est pas la solution. Kadhalik, on répète, on a le hajr, ce n'est pas faqat pour les autres. Là, l'insan, kadhalik. Et on a cité cet exemple, on peut citer un exemple dans l'autre sens. On a l'insan, il veut parler à tout le monde. Et il se mélange avec Ahl al-Bida' et il dit là, le Hajr, c'est pas efficace à notre époque, il a akhiri, il se fait du mal, et Rabbama, il a des choubah ba'da dhalik. Là, le Hajr, kadhalik, il faut voir la fa'ida sur toi. Si se mélanger à un tel minanas, ça te fait du mal, il a akhiri, fa'fi hada al-hal, ne te mélange pas à eux. Passer le salam ou pas, c'est autre chose. L'insan, dans certains cas, il peut passer le salam, et ça veut pas dire qu'il va se mélanger, il va les fréquenter, il a akhiri. Enfin, il y a des degrés. Et avec kalam Ahl al-Ilm, petit à petit, Inch'Allah ta'ala, on arrivera à faire un résumé tayyib. Qala wa haka ibn Rujd. Qala Malik ibn Rujd. Naam, c'est un maliki. Sahib bidayat al-mujtahid. Qala Malik, la yusallam ala ahli al-ahwa. Qala ibn Daqiq al-Aid, wa yakun dhalik ala sabil al-ta'dib lahum wa al-tabarri minhum. Naam, lianna al-mubtadi'. Il fait des choses de très très graves. Le bid'a, c'est quelque chose de très très grave. Les salaf, ils n'acceptaient pas. Abadan. Et on répète, ma yata'allaq bil mubtadi'a, on n'a pas besoin de détails l'an. Il a cité un chapitre à la fin. Qala, wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi bab al-hajr. Wa qawl, naam. Imma c'est, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, imma c'est wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imma il manque une lettre, imma il manque... لفظة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثم ساق في الباب ثلاث أحاديث في تحريم الهجر فوق ثلاث تأملوا في أن إكزام سيكو العلم صحيح البخاري سان كتاب عظيم سان كتاب عظيم جدا لكن pour celui qui comprend la méthodologie de l'imam البخاري أما البعض il pense que l'imam البخاري il a empilé des milliers de hadiths hakada l'un après l'autre et c'est tout. Abadan. Al-an, tu as un ordinateur, tu peux empiler des millions de hadiths. Essaye de faire comme Sahih al-Bukhari. Ça sera très très difficile. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, c'est un imam fi sunnah et c'est un faqir. Et il a cité des hadiths. Awalan, il a fait un énorme travail dans la chaîne de transmission. Il a trié Sahih min al-Da'if. Il a mis des conditions très très élevées. Et il a cité que des hadiths sahiha. C'est pour ça que c'est Asah al-Kutub. Al-Musannafa, c'est le livre le plus sûr écrit par les êtres humains. Et thaniyan, il a ordonné les hadiths avec des abwab. C'est pour ça que l'ulama yaqulun anna fiqha al-Bukhari s'est fait tabouib. Le ilm de l'imam al-Bukhari, tu le trouveras dans les chapitres, les titres bab kada. Comme on a vu ensemble dans Kitab al-Tawhid, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a cité des ayats et des hadiths avec des abouab et avec un tertib, un ordre. Et, wallahi alhamd, stafadna des fawaïd azim. Fa, ilm al-imam al-Bukhari, il vit tabouib dans ses chapitres. Fa, huna qal bab al-hajr. Et ça, c'est un exemple jamil pour savoir et comprendre c'est quoi l'ilm. L'ilm, c'est pas que le hifd, c'est pas que répéter, c'est pas que copier-coller un hadith. C'est pas ça l'ilm. Qal bab al-hajr. Il a cité le premier chapitre, al-hajr. Thumma, qala, لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلى ستة ثلاث حديث du prophète عليه الصلاة والسلام أو 4 avec celui-là. تمام pour montrer أن هجر المسلم سي با بيرمي أو بلوس كو 3 جور. ثم قال باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. دوزيام شابيتر أنه سي بيرمي دو فيغ الهجر دون سيغتان كا. هنا من عصى سو كي فون دي بيشي. فتأملوا. Certains ignorants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont connu, ils ont entendu, ils ont lu ce hadith. C'est pas permis de faire le hajr au-dessus de 3 jours. Khalas. Pour eux, c'est un hukm am. Ils ont pas d'ilm. Et ils auraient lu faqat sahih al-Bukhari, c'est une base. Et ils auraient lu le premier bab, thumma le deuxième. Le deuxième, c'est permis dans certains cas. Thumma, il a cité un dalil. Qala l'imam al-Bukhari wa qala ka'b. حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا إلى آخره وذكر 50 ليلة. ثم إلى سيتك كعب بن مالك رضي الله عنه اللي ont fait le hajr à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم 50 nuits et 50 jours. Donc celui qui a dit qu'il ne faut pas faire le hajr plus de 3 jours à un musulman, il a fait le hajr 50 jours عليه الصلاة والسلام. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se contredit? Ah, putain. Ça te montre quoi, Rada? C'est que la base, on n'a pas le droit de faire le hajj plus de 3 jours. On répète, 3 jours c'est permis, il y en a l'être humain, il est faible, Robama t'a mal pris, Robama t'a énervé. Tu as 3 jours pour te calmer, pardonner à ton frère. Ça, c'est l'asl. Rien, il y a des choses qui sortent de ce asl, de cette base. Wahed, mathalan, qui fait des ma'as, des kabas, il a wahed qui fait une bid'a, des bid'a, il a akhir, il veut pas écouter. C'est autre chose. Robama, le hajj pour lui, c'est un ilaj. Ça va l'aider à se réformer, à se repentir. Et fait le haqiqa, c'est un bien pour lui, c'est un bien pour nous, ça nous préserve. Anahu, hada, il fait telle chose, il fait telle chose. Si tu as compris hada, wallahilham, tu auras compris hada al-bab al-hajr. C'est pas permis, et dans certains cas, c'est permis plus de 3 jours. Thumma qal, c'est pas fini. قال الإمام البخاري بعد ذلك في كتاب الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تسلموا على شربة الخمر. Il a cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, il a cité un autre bab que c'est permis de faire la hajr à ceux qui font des péchés. Et il a cité la parole de Abdullah ibn Amr. Ça te fait le lien entre la compréhension des sahaba et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le manhaj salafi. C'est rien d'autre. Ba'd an-nas, ils pensent que salafiya, c'est une invention. C'est ça le manhaj salafi. Amma al-ba'd, qu'est-ce qu'ils font l'an? Ils disent là, min ahli al-dalal wa al-tami'a, ceux qui font le hajr, c'est kada, c'est kada, c'est kada, sans aucune restriction. Et il cite le hadith. Est-ce que Abdullah ibn Amr, en sahabi al-jalil, radiyallahu anhu, il fait partie de al-mukthirun fil hadith? Il fait partie de ceux qui rapportaient le plus de hadith, radiyallahu anhu. Kana yaktub, il écrivait, donc il a compilé beaucoup de hadith. Est-ce que Abdullah ibn Amr, il connaissait pas le hadith que Haoula il cite? Bien sûr qu'il le connaissait. Lakin, il connaissait que dhalik Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans certains cas c'est permis. C'est pour ça que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajra Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. La tusallimu ala sharabati al-khamr, ne passez pas salam à ceux qui boivent de l'alcool. Hakadha qala Abdullah ibn Amr. Limadha? Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bal Allah azza wa jalla, il a interdit le khamr, l'alcool. Abdullah ibn Amr, il a dit hona, ceux qui boivent de l'alcool, ne leur passez pas salam. Khassatan à leur époque. Quand à leur époque, ceux qui buvaient al-khamr, ils étaient qalil jiddan. Fait le hajr, dans ce cas, il était nafi' jiddan. Thumma, autre chose. Dhakara tarfan ou tarafan, n'am. Thumma dhakara tarafan min hadith Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, qal. Wa naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kalamina. Wa ati rasulullah, wa ati ay Ka'b ibn Malik. أنه يسرّد أبخج بخفّة عليه الصلاة والسلام وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا حتى كملت 50 ليلة. كعب رضي الله عنه يبصّل السلام بخفّة عليه الصلاة والسلام يسدّمّده ليسّي دوا إسكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بوجي للفغ أم لا. Ça, ça montre le hajj. Ou il a fait quelqu'un qui te répond, tu vas l'entendre, tu sais quand toi, hadith te répond. Au salam. Donc, Al-Imam Bukhari, rahimahullah, pour montrer à Nahou, c'est permis dans certains cas de faire le hajj à Ahl al-Ma'asi, il a cité la parole d'un compagnon, Abdullah ibn Amr, thumma il a appuyé kadalik avec un hadith. Pour te montrer, c'est la voix des compagnons, c'est la voix du prophète, alayhi salatu wa salam. On vit à une époque, ayyadam billah, ba'dahum l'an, il cite des hadiths. ou des versets pour montrer que les kuffars c'est nos frères. On vit à l'époque de Shar. Innamal mu'minuna ikhwa. Ils ont pris ce verset et ils ont dit les kuffars, les juifs et les chrétiens, eux aussi c'est des croyants. C'est des croyants, ils ont une croyance batil. Lakin la croyance bihaq, la croyance en Allah, en son messager, au Coran, c'est al-mu'minun. Est-ce que les juifs et les chrétiens ils croient au prophète Mohammed alayhi salam? On est tous d'accord, non? Est-ce que les juifs et les chrétiens ils croient que le Coran c'est la parole d'Allah? Là. C'est des croyants vimada, c'est des croyants de leur passion et de shaitan. Lakin onduru. Ils disent, annahum c'est nos frères. Tout ça pour vous montrer, anna, le fait de prendre des preuves du Coran ou de la sunna. Awalan, tu dois prendre toutes les preuves qu'il y a dans la mas'ala. Fata'ammal huna al-hadr, on a deux. On a deux sortes de délits. On a un délit qui montre que c'est pas permis plus de 3 jours. On a un autre délit que c'est permis. Un Nabi sallam, il a fait 50 jours. En prenant les deux hadiths, déjà tu comprends qu'il y a 3 jours et 50. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut dire à Haoula, ceux qui disent là, le prophète il a dit 3 jours, pourquoi vous faites la halle? On leur dit là, on peut 50 jours. Pourquoi tu prends 3 jours? Nous, on te dit 50. Comme toi, tu veux pas prendre les 50, maintenant on te dit délaisse les 3 jours. On fait la halle, on a le droit 50 jours. Un Nabi sallam, il a fait 50 jours. Là, les 3 jours et les 50 jours, c'est haq. Les 3 jours, c'est par rapport à dunya, tout ce qui est lié à ce bas monde, un problème entre toi et ton frère dans quelque chose de dunya, ça arrive, dans le commerce, une parole, 3 jours, tu as le droit, pas plus de 3 jours. Par rapport au din, c'est illimité, jusqu'à la mort. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 50 jours, l'imam al, il y en a le verset, il est descendu au bout de 50 jours, pour innocenter Ka'b, radiyallahu anhu, et ses deux compagnons. Ba'd al-salaf, ils l'ont fait jusqu'à la mort, ça y est, ma'ana. Hakada, on comprend din. Thumma, quand tu as rassemblé les hadiths, les paroles des savants. Huna matalan, on a la parole de l'imam Bukhari. Bab al-hajj. Thumma, il a dit, bab ma yajouz min al-hijran. Ça montre que c'est permis dans certains cas plus de 3 jours. Thumma, qal, bab man lam yusallim ala man iqtarafa dhanban. Et c'est permis de ne pas passer le salam à ceux qui font des péchés. Thumma, il a cité la parole de Abdullah ibn Amr. C'est ça l'ilm. Amma wahid, il prend un hadith, khasatan. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe avec les traductions, avec l'explication des égarés, ça c'est une musibah. Et t'as stafid min hada que si tu veux apprendre l'ilm, fais des efforts sur ça. Apprends le Coran. Apprends sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut sahih Bukhari, celui qui peut plus, celui qui peut moins, chacun par rapport à ses capacités. Et étudie l'ilm chez les savants de la sunnah. Ils vont te citer les paroles des grands imams. Et bien, idnillah, tu avanceras. L'ilm, c'est pas les messages de l'in. Foulan, il a dit, Foulan, il a dit toute la journée. Bardonnez, ils reçoivent des messages, imma, Shir Foulan, il a dit, imma hadith, imma verset, ils le comprennent d'une façon qu'il ne faut pas. L'ilm, c'est pas ça. Ça, c'est bien pour te rappeler. Te rappeler, tu lis une faïda, alhamdulillah, tu as appris quelque chose. Mais c'est pas ça, l'ilm. C'est pas ça, l'ilm. L'ilm, c'est du matin au soir, celui qui peut pas, bah, le moment qu'il a, et il se concentre sur les bases. Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Tawhid, al-Aqidah, al-Fiqh, al-Usul, ulum al-Ahla, la langue arabe. Il va construire sur quelque chose de solide. Qala, qala l'imam al-Tabari, qissatu Ka'b ibn Malik aslun fi hijran. On a dit, yajouz bil-kasr. Bel, kathir min ahl al-ilmi, il l'emploie bil-kasr, hijran. Ahl al-Ma'asi, ta'ammalu, al-imam al-Tabari, rahimahullah. Tabari, c'est Ibn Jarir, al-Mufassir, al-Kabir. Son tafsir, c'est la référence. Al-Imam Nukadir, il a profité beaucoup de tafsir Ibn Jarir. Bel Bardom, ils disent que c'est un mukhtasar. Et fait le haqiqa, il a résumé, il a ajouté des choses, il a créé. Lakin, la chèque, il a profité kathiran de l'Imam Ibn Jarir. Had al-Imam al-Kabir, min a'immat al-Sunnah, qala qissat Ka'b ibn Malik aslun vi hijran ahl al-Ma'asi. L'histoire de Ka'b ibn Malik, il est 50 jours, c'est un fondement, une base dans ce domaine, al-Hajr. Enfin, pourquoi prendre que les 3 jours? Alors que l'a'imma, ils disent l'anza, asl. Qala qultu, ay, Cheikh Hamoud, wa qad ajad al-Bukhari rahimahullah, wa afad fi ma salakahu min al-tafriq bayna al-hajr al-dunyawi wal-hajr al-dini. Yann, ceux qui reconnaissent fadl ahlul ilm, c'est ahlul ilm. Et ceux qui aiment ahlul ilm. Cheikh Hamoud, qal, wa qad ajad. Ay, l'imam Bukhari, il a bien fait. Il a bien fait de différencier entre al-hajr al-dunyawi par rapport à dunya et al-hajr al-dini par rapport à la religion. Avec ces deux chapitres, ou ces 3 chapitres, et à chaque chapitre, il a cité des preuves. Tu déduis quoi? Que hajr al-dunya, pas plus de 3 jours, par rapport à la religion, c'est pas limité. Par rapport à l'égarement et par rapport bien sûr au mansalih ou mafasid. قال فإنه ذكر في الترجمة الأولى حكم الهجر الدنيوي وأنه يحرم فوق ثلاث. Donc, la première tarjama, الترجمة هنا بمعنى الباب. Ne pas comprendre الترجمة هنا une traduction. لا. العلماء يقولون الترجمة pour الأبواب. مثلا ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب dans كتاب توحيد et tu cites. الترجمة c'est الباب. هنا. قال حكم الهجر الدنيوي. Donc le premier chapitre il a cité que c'est pas permis au-dessus de 3 jours pour par rapport à الدنيا. Aïe boycotter pour الدنيا. Pas plus de 3 jours. ثم ذكر في الترجمة الثانية le deuxième chapitre والترجمة الثالثة كذلك le troisième حكم الهجر الديني. Aïe boycotter quelqu'un par rapport au din. وهو هجر أهل المعاصي لله. كذلك الكفار bien sûr أهل البدع. وأبان أنه لا حد له إلا بالتوبة الصادقة. نعم. Ça montre qu'il n'y a pas de had les 50 jours. Les 50 jours, لماذا؟ لأن الله عز وجل il a révélé le verset أنه عز وجل il a accepté le repentir de Ka'b et de ses deux compagnons. Ça montre أن celui qui ne fait pas de tawbah, فالهجر il est par rapport à son égarement. Si c'est un mubtadi, il ne fait pas de tawbah 10 ans, 20 ans, enfin, si c'est permis, on lui fera le hajr 10 ans, 20 ans. C'est une ibad. قال وقد سلك أبو داود رحمه الله تعالى نحو هذا المسلك. الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن فقال في كتابه الأدب من سننه يتأملوا إلى سيت الهجر في الأدب. Ça nous montre أن الهجر quand il est bien fait avec علم c'est un bon comportement. Ça nous montre ماذا أن le bon comportement c'est ce que le prophète عليه الصلاة والسلام il a fait. أما أهل الضلال الآن عندهم الهجر c'est manque de tolérance, c'est être mauvais, c'est être dur. النبي عليه الصلاة والسلام il l'a fait à Ka'b. Ka'b, un sahabi jalil, radiyallahu anhu. لماذا? لأنه il y avait une maslaha عظيمة. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé au prophète sallam de lui faire le hajr. N'aam, le nabi sallam, tout ce qu'il fait c'est bil wahi. وما ينطقوا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc c'est ça le bon comportement. C'est un mauvais comportement ahyanan de se mélanger, de parler à tout le monde. لكن vu que le ba'd, certains égarés, ils n'ont plus comme principe le Coran ou le Sunna. Ils n'ont que les autres. Il faut que les kafirs ils soient satisfaits d'eux, il faut que la masse soit d'accord avec eux. Et comme Atakadam, c'est beaucoup lié à l'argent, il a arrêté, mais ils ne peuvent pas dire ça. Mais celui qui a comme principe le Coran ou le Sunna, vu que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, donc si on le fait comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, c'est un bon comportement. Alayhada qala al-imam Boudaoud, fi kitab al-adab, le chapitre du bon comportement. Dans son livre Sunan, باب في من يهجر أخاه المسلم وساق في الباب عدة حديث في تحريم الهجر فوق ثلاث. Comme l'imam Bukhari, il a commencé le hajr par rapport à son frère muslim, c'est pas permis, plus de 3 jours. ثم قال في آخر الباب النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما وابن عمر رضي الله عنهما هجر ابنا له إلى أن مات. Pour montrer, dans certains cas c'est permis plus, un Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait le hajr à certaines de ses femmes 40 jours. Et taqaddam ma'ana hadith Ka'b 50 jours. Et Ibn Umar radiyallahu anhu hajara un de ses fils, ça ta'ti ma'ana al-qissa bi'idnillah, jusqu'à la mort. Il lui a plus parlé. Ha'oula al-an, est-ce que wahed min al-muslimin il osera dire que Ibn Umar il a eu un mauvais comportement? Na'oudou billah. Ha'oula, ils ont compris sunna. Ils ont préservé le din. Et les had à leur époque, le din l'a été préservé. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والصحابه والسلف الدين اللي était préservé l'égarement il est venu petit à petit et parmi les plus grandes causes de l'égarement c'est la raison quand les mu'tazila ils sont rentrés والجهميه et après الاشاعره et كذلك الصوفيه et هؤلاء ils sont tous d'accord انهم ils fonctionnent avec l'aql petit à petit les gens ils ont délaissé les textes à notre époque tous ces groupes ils sont répandus et rajoutent fikr al-kuffar. La démocratie, la tolérance, le respect. Enfin, tu trouves un non-sens, n'inda kathir min al-nas, elles n'ont plus de poids, plus de place. Tu vas le trouver des heures, il va te parler. On est des frères, on est tous une communauté belle, pardon, il faut rentrer les juifs et les chrétiens, on est tous des croyants. Il faut se respecter, se tolérer. Jamais ils te parleront de l'hajr. Alors que, as-sahaba, ils l'ont appliqué. C'est pour ça que, à notre époque, din, tout est mélangé. Tu trouves un musulman, il lit le Coran. Rubama il fait salat et il te dit na'am, les juifs c'est nos frères. C'est une musiba. À l'époque de Salaf, celui qui disait ça, il était qualifié de zindir. Il était qualifié d'hypocrite de zindir. Kif, un juif c'est ton frère. À notre époque, l'un ça s'est répondu jiddan. Allez, on doit faire des efforts fit ta'wa fi hadha al-bab khassa. Qala Abu Dawud, idha kanat al-hijratu lillah, Vous avez remarqué que بعضهم يدي الهجر وبعضهم يدي الهجرة. الهجرة هنا c'est pas الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. لا. الهجرة هنا c'est الهجر. الهجرة أي délaissé. Ça peut être délaissé une terre, ça peut être délaissé une personne. قال الهجرة لله فليس من هذا بالشيء. وعمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. On répète, قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا الشيء. وعمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. Celui qui fait ça لله عز وجل أي il fait الهجر et il délaisse pour Allah سبحانه وتعالى. Il ne faut pas mélanger. On a celui qui fait pour dunya pour son neuf. Celui qui fait pour dunya pour son neuf, il n'a pas plus de trois jours. Mais celui qui fait l'illah, tant que cette chose que Allah il déteste, elle est présente, le hajr, il est présent. Bien sûr, on répète avec des dawabit, avec des conditions, en regardant le masalih, le mafasid, en regardant beaucoup de choses. Ne pas tout mélanger via hadal bab. Lakin, on a cette aqidah, le hajr, quand il est fait correctement, ce n'est pas un mauvais comportement. Abadan. وعمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل اي لا كاشي سون فيزاج عن رجل يقول با لو فوار سي من الهجر وعمر بن عبد العزيز il est respecté في الامه toute la umma il le respecte لكن بعض الناس à cause de leur ignorance ils connaissent pas ce comportement ils connaissent pas que salaf ils ont fait et d'autres عياذا بالله c'est les patients ils vont dire لكن عمر بن عبد العزيز il est pas infaillible الى اخر هذا c'est quand ça leur arrange هذا c'est quand ça leur arrange ils disent là les savants faut pas les suivre sont pas infaillibles c'est le hawa. Il y a l'ijma', on répète, l'ijma' c'est une preuve, ijma' al-salaf, que al-hajr c'est légiféré pour ahl al-bid'a ou al-ma'asi. L'unanimité des savants, فلا تغتروا بكلام الجاهلين. وقال الخطابي رحمه الله, il a un char à la sunan Abi Daoud, c'est un imam, في الكلام على حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فيه من العلم أن تحريم الهجرة, on répète, الهجرة هنا c'est بمعنى الهجر, أي ترك ترك une personne, délaisser une personne بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهم من قبل عتب أو موجدة عتب c'est الشدة أو موجدة أي غضب أي les trois jours c'est par rapport à une chose qui est entre toi et ton frère tu t'es énervé ou il s'est énervé t'as d'une parole il l'a mal prise un comportement t'es pas venu à l'heure quelque chose de dunya ça arrive هذا trois jours قال أو للتقصير يقع في حقوق العشرة. صعيب هذا ذن كوبل كثيرا. التقصير quelque chose صعيب. الهجر صعيب. 3 jours, pas plus. قال ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين. فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان. هكذا إذا تسلف. أما في الدين, par rapport au الدين, أهل البدع والفساق. فهؤلاء c'est par rapport à leur égarement. Si leur égarement reste jusqu'à la mort. قال ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. Donc ça montre que c'est par rapport à l'égarement. L'égarement il est présent, الهجر il est présent. وقد روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. الحديث إليه في كانه في الصحيحين. نعم. وقد روى مسلم في صحيحين الحديث في الصحيحين. أو هذا سيانوت. نعم. قال ينظر كانه في الصحيحين. هنا قال في صحيحهم إلى دسيت الميرو. نعم. المهم إلى صحيح. دونك ابن عمر رضي الله عنه قال لا تمنعوا نساءكم المساجد. N'empêchez pas vos femmes d'aller au masjid. L'homme, si sa femme lui demande d'aller au masjid, il n'a pas à l'empêcher. Bien sûr, sauf si ça peut pousser à un mal, une fitna, il a akhir. Ou illa fa la base, s'il n'y a pas de fitna, il n'y a pas de mal, il a akhir, la femme elle va aller au masjid, son mari, il ne doit pas l'empêcher. قال فقال بلال ابن عبد الله. Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, il avait un fils qui s'appelait Bilal. فبلال قال والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. بلال il a dit والله on va les empêcher. عبد الله ابن عمر. Donc tu as Bilal, tu as son père عبد الله, tu as le grand père de Bilal, c'est عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين. فعبد الله أقبل عليه, il est parti vers lui, فسبه سبا سيئا, et il l'a insulté. لماذا غضبا لله؟ هذا سان بون كومبورتمون. اولا سي سون فيس, ثانيا il lui a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit là je vais les empêcher, tout ça c'est min ghadab, al ghadab lillah, al ghadab lillah c'est tayyib, khasatan avec son fils. Amma wahid qui n'est touché par rien, du'at l'an al batil, tolérant dans tout, respect dans tout, chacun il a son avis, ça c'est min al inhiraf. Il y a des choses et on n'a pas à être tolérant, abadan, il y a des choses qui sont inacceptables dans notre dîn. Falihada Abdullah ibn Umar il s'est comporté hakada, fasabbahu sabban sayyan, il lui a dit un kalam très très dur. Qala ma sami'tuhu sabbahu mithluhu qat, rawi al hadith Salim ibn Abdullah, un autre fils de Abdullah ibn Umar. Et Salim il est ma'rouf bil ilm, il rapporte des hadith, il a rapporté je l'ai jamais entendu dire des choses comme ça à Bilal. Wa qala أي عبد الله أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. Je te dis, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, et toi tu me dis là je vais quand même les empêcher. غيرة, c'est cette غيرة qui les a élevés. Celui qui son cœur ça lui fait rien de voir les égarements il a akhiré, هذا il est malade. لكن en se maîtrisant, عبد الله بن عمر الآن il parle à son fils, عبد الله بن عمر il est respecté في الأمة. Des milliers d'ahadith il a rapporté. Et c'était le fils d'Omar ibn al-Khattab. Et c'est un sahabi de lui, il a fait le jihad avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait sa makana. Ne pas comprendre, l'insan, il voit une ma'siya, il insulte et il a un kalam shadid. Là, chaque chose a sa place. قال وفي رواية له عن مجاهد أنه ضربه ضرب في صدره. Dans une narration de ce hadith, أنه ضربه, il l'a frappé sur sa poitrine. وقد روى البخاري المرفوع منه فقط هذا البخاري روى المرفوع منه فقط. أما هنا يغبخت عن سالم بن عبد الله قال سمعت رسول الله يقول, نعم, وروى البخاري المرفوع منه فقط. نعم, أصل القصة في الصحيحين. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهما بالنحو رواية مسلم, هذا الحديث إلى صحيح. قال في الحاشية أخرجه البخاري وأحمد إلى آخره. وروى أبو داود الطيالسي أوتر أبو داود صاحب السنن كون فيان دو فوار لوتر سي السجستاني صاحب السنن, هذا سانوتر أبو داود الطيالسي صاحب المسند. أون ديجا في سو تنبيه رواية مجاهد وقال فرفع يده فلطمه. دون سيت رواية أنه إلا et il l'a frappé, falatama. فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا. وفي روايه لاحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. عبد الله رضي الله عنه il a plus parlé à Bilal jusqu'à la mort. هذه ست زياده في روايه الامام احمد ان صحت هي صحيحه, فسا ça montre غيره عبد الله بن عمر par rapport au din. Il a pas accepté, il n'a pas apprécié, pourtant c'est son fils, t'as le monde là, le lien entre le fils et le père. C'est un lien kabir avec le mahabba ila akhir. Lakin hadhihi al kalima, tellement qu'Abdullah ibn Umar, il aimait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup d'efforts pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son fils l'a dit le kalima, sami'tum, vous avez entendu, qu'est-ce que Abdullah il a fait, radiyallahu anhu. قال النووي فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. وفيه تعزير الوالد للوالد ولده وإن كان كبيرا. تستفيد من هذا plusieurs choses. فيه تعزير المعترض على السنة, celui qui contredit السنة avec son avis personnel, هذا يستحق التعزير. Si c'est ton fils, t'es le père, tu l'éduques par rapport à هذا. Si c'est un de tes élèves et tu es le professeur, fait, tu l'éduques par rapport à هذا. ولو بشيء من الشدة, tu lui montres que c'est grave. Si tu es respecté, tu es l'imam de la mosquée, tout le monde t'écoute, fait, tu montres que c'est très très grave. Si c'est quelqu'un qui est loin de toi et Robama, si tu lui parles avec un calame assez fort et il le prend mal et ça fait plus de dégâts, Fayad al-Hal, tu lui montres Berif. Ça peut être une vieille personne matin et tu lui dis Ya'am, c'est très très grave, et tu lui montres Anna Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu lui montres que tu es un mu'min, donc tu aimes Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Délaisse pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour ton avis. Il y en a un autre, il va donner un autre avis, un troisième, un quatrième, et on perd notre din, iyadun billah. Donc, ça nous montre Anna. Notre avis personnel ne doit pas contredire le sunnah. La sunnah, c'est sunnah, avec la compréhension des salafs, et nous, on se soumet, et on suit. Deuxième chose, قَالَ فِيهِ تَعْزِيرَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا. هكذا, ils étaient salafs. هكذا, ils étaient muslimoun encore il y a quelques années. وَهَكَذَا وَاللَّهِ الْحَمْدُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى بَعْدُ الْعَوَامِ qui sont à la fitra. le père, il éduque son fils, même si son fils il est grand. Il y a Bilal, il avait un certain âge là. C'était pas un enfant. Et ma'ahada, vous avez vu comment il l'a éduqué, comment il l'a réprimandé. Firiwayanahu, il l'a frappé. Et là, c'est permis. Le père, s'il éduque son fils, il le corrige. Khasatan bihaq, même s'il est grand. Ma'ahada, c'est indal kuffar. J'ai 18 ans, khalas. J'ai 18 ans, tu ne me parles plus. Ça, c'est indal kafirin. Amma indal muslimin, tu le vois indal ba'd al awam. Le père, il est très vieux. Obama, le fils, il a 50 ans. Rien, tu entends le père parler. Il parle à un enfant. Hakada, le respect du père. Alors, on ne doit pas perdre ces choses. قال وفيه أيضا جواز التأديب بالهجران قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله نعم يونا في بوكو دو بروف في هذا قال وفي مستدرك الحاكم عن عمرو بن مسلم قال خذف رجل خذف أي الرمي بالحصى ça c'est une autre قصه ان un homme il jetait des cailloux ستأتي معنا القصه كذلك عن ابن مغفل في صحيح مسلم قال خذف رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تخذف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف le fait de jeter des cailloux النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك on verra dans l'autre riwaya pourquoi لأن ça fait aucun mal à l'ennemi et ربما tu fais du mal à un musulman tu lui crèves l'œil tu lui casses une dent فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف jeter des cailloux هكذا sans aucune حاجة ربما tu fais du mal à un musulman فقال لا تخذف هذا الصحابي lui a dit لا تخذف ne jette pas de cailloux فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم رآه ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك يخذف ابن عمر il l'a vu après continue à jeter des cailloux alors qu'il lui a dit النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال أنبأتك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم خذفت والله لا أكلمك أبدا il lui a dit je ne te parlerai plus jamais je te dis النبي صلى الله عليه وسلم il a dit de ne pas jeter des cailloux et tu continues وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن أبي موسى وقد سأله رجل خراساني أن عندنا قوما يأمرون برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهون عنه قال لا ينهاك إلا مبتدع فعلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا موقف الإمام أحمد par rapport au fait de lever les mains قال ابن مفلح في النكت على المحرر نعم le livre ma je le connais pas ma adri وهل يهجر من تركه مع العلم روي عن الإمام أحمد في من تركه بخبر به فإن لم ينتهي يهجر ذكره الخلال نعم النصيحة et s'il accepte pas c'est autre chose وهذا الهجر على سبيل الجواز والاستحباب لعدم وجوب المتروك وينبغي أن يكون هذا النص بالهجر والنص بأنه مبتدع بناء على النص بأنه تارك للسنة وفي سنن ابن ماجه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبيعون كسر الذهب نعم كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم وهذا لا يجوز الذهب بالذهب والفضة بالفضة الذهب سلوغ الفضة سلعجر فقال أيها الناس إنكم تأكلون الربا نعم من الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة نعم معاوية رضي الله عنه الأمير ست عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاوية il était responsable d'une contrée فلما عبادة quand il lui a cité le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم et معاوية il lui a dit لكن الربا في كذا في كذا عبادة il lui a dit je n'habiterai plus jamais à l'endroit où tu فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال في مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد أي عبادة بن الصامت من كبار الصحابة إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمر لك علي واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر نعم فعمر إلى أردنا معاوية de revenir au قول de عبادة أي c'était le قول qui était fondé sur la sunna ورواه الدارمي في سننه مختصرا ولفظه عند أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم نعم كذلك ça c'est من الربا de dirham pour un dirham لا ça doit être la même chose فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد واحد il a dit y a pas de mal tant que c'est de main à main alors que là ça doit être de main à main et l'or et l'argent ça doit être identique أو هنا الدراهم فقال عبادة رضي الله عنه وقل قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقف أبدا لا يضلني أي je serai jamais avec toi sous le même toit انظر À notre époque, c'est des masa'ib. La arabihi ba'san. Combien on l'entend, nous, à notre époque, il n'y a pas de mal. Des masa'ib, c'est du kouf. Et Wardana se dit, là, il n'y a pas de mal. La tolérance, le respect. Wa fi hadha al-hadith, jawaz hijran man khalafa as-sunnah wa aradaha bi ra'yih. Naam. Aïe, le fait de contredire sunnah avec son avis personnel, c'est très très grave. Et dhahab al-waqt, on continuera, inshallah, la prochaine fois. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب